Après cette évocation des caractéristiques fondamentales d'Allah dans le Coran, voyons les réminiscences qu'il contient des deux autres religions monothéistes, le judaïsme et le christianisme. D'abord, les réminiscences de l'Ancien Testament, premier volet de la Bible, comme vous le savez, avec Adam, Abraham et Moïse. Lorsque nous ordonnâmes aux anges d'adorer Adam, ils adorèrent tous, excepté Iblis, Satan, le diable. Celui-ci s'y refusa et s'enfla d'orgueil, et il fut du nombre des ingrats. Nous dîmes à Adam, habite le jardin avec ton épouse, nourrissez-vous abondamment de ses fruits, de quel côté du jardin qu'il se trouve. Seulement, n'approchez pas de l'arbre que voici, de peur que vous ne deveniez coupable. Le diable leur dit, votre Seigneur ne vous interdit cet arbre qu'afin que vous ne deveniez pas deux anges et que vous ne soyez pas immortels. Il leur jura qu'il était leur conseiller fidèle. Il les séduisit en les aveuglant. Et lorsqu'ils eurent goûté de l'arbre, leur nudité leur apparut. Ils se mirent à la couvrir de feuilles du jardin. Le Seigneur leur cria alors, « Ne vous ai-je point défendu cet arbre? Ne vous ai-je point dit que Satan est votre ennemi déclaré ?» Adam et Ève répondirent, « Ô notre Seigneur, nous sommes coupables, et si tu ne nous pardonnes pas, si tu n'as pas pitié de nous, nous sommes perdus. » Adam apprit de son Seigneur des paroles de prière. Allah agréa son repentir. Il aime à revenir à l'homme qui se repent. Il est miséricordieux. Nous leur dîmes, « Sortez du paradis tous tant que vous êtes. Un livre destiné à vous diriger vous viendra de ma part. La crainte n'atteindra jamais ceux qui le suivront. Ils ne seront point affligés. Mais ceux qui ne croiront pas, qui traiteront nos révélations de mensonges, seront livrés au feu éternel. » Raconte-leur l'histoire véritable de ceux des fils d'Adam qui présentèrent leurs offrandes. L'offrande de l'un fut acceptée, celle de l'autre fut rejetée. Ce dernier dit à son frère, « Je vais te tuer. » La passion subjuga l'injuste. Il tua son frère et fut au nombre des malheureux. « Ô enfants d'Adam, que Satan ne vous séduise pas comme il a séduit vos pères. Lui et ses suppôts vous voient d'où vous ne les voyez pas. Nous les avons donnés pour patrons à ceux qui ne croient pas. » Après Adam et Ève, et leurs premiers fils Caïn et Abel, qui ne sont pas cités ici dans le Coran, voici Abraham, Brahim ou Ibrahim pour les musulmans, qui sert de titre à la sourate 14. Mais la réminiscence principale avec l'Ancien Testament se trouve dans la sourate 37. Je me retire, dit Abraham, auprès de mon Seigneur. Il me montrera le sentier droit. Seigneur, donne-moi un fils qui compte parmi les justes. Nous lui annonçâmes la naissance d'un fils d'un caractère doux. Lorsque ce fils fut parvenu à l'âge de l'adolescence, son père lui dit, « Mon enfant, j'ai rêvé comme si je t'offrais un sacrifice à Allah. Réfléchis un peu, qu'en penses-tu ? » « Ô mon père, fais ce que l'on te commande, s'il plaît à Allah, tu me verras supporter mon sort avec fermeté. » Et quand ils se furent résignés tous deux à la volonté d'Allah, et qu'Abraham l'eut déjà couché, le front contre terre, nous lui criâmes, « Ô Abraham, tu as cru à ta vision, et voici comment nous récompensons les vertueux. » Certes, c'était une épreuve décisive. Nous rachetâmes Isaac par une hostie généreuse. Isaac, dans la version Garnier, devient Ismaël, l'ancêtre des Arabes, dans l'édition de Beyrouth. Quant à l'hostie, l'offrande généreuse, c'est celle de moutons dont le sacrifice est rappelé chaque année par les musulmans lors de leur grande fête, l'Aïd el-Kibir. Nous avons laissé un souvenir glorieux d'Abraham jusqu'au siècle reculé. Que la paix soit avec Abraham. Lorsque Allah tenta Abraham par des paroles et que celui-ci eut accompli ses ordres, Allah lui dit, « Je t'établirai l'imam des peuples. » L'imam étant une sorte de prêtre qui dirige la prière dans les mosquées. Moïse, Moussa pour les musulmans, Moshe pour les juifs, est le troisième personnage biblique évoqué dans le Coran. Avant le Coran, il existait le livre de Moïse, donné pour être le guide des hommes et la preuve de la bonté d'Allah. Le Coran le confirme en langue arabe, afin que les méchants soient avertis et afin que les vertueux apprennent d'heureuses nouvelles. Ô Moïse, dit le Seigneur, je t'ai choisi de préférence à tous les hommes pour porter mes commandements et ma parole. Prends ce que je te donne et sois reconnaissant. Nous avons tracé pour lui, sur des tables, des commandements sur toute matière et des explications détaillées sur toute chose. Emporte-les avec une ferme résolution et commande à ton peuple de les observer de son mieux. La sourate 20 reprend de très près l'Exode, le départ des Hébreux d'Égypte vers Canaan, leur terre prétendument promise. D'autres sourates rappellent quelques éléments clés de cet Exode. Ô enfants d'Israël, souvenez-vous des bienfaits dont je vous ai comblé. Souvenez-vous que je vous ai élevé au-dessus de tous les humains. Souvenez-vous que nous vous avons délivré de la famille de Pharaon qui vous infligeait de cruels supplices. On immolait vos enfants et l'on épargnait que vos filles. C'était une rude épreuve de la part de votre Seigneur. Souvenez-vous que nous avons fendu la mer pour vous, que nous vous avons sauvés et noyé Pharaon sous vos yeux. Nous fîmes planer un nuage sur vos têtes et nous envoyâmes de la manne et des cailles en vous disant « Mangez des mets délicieux que nous vous avons accordés. Vous avez agi iniquement envers vous-même, plus encore qu'envers nous. » Moïse demanda à Allah de l'eau pour désaltérer son peuple et nous lui dîmes « Frappe le rocher de ta baguette. » Tout d'un coup, jaillirent 12 sources et chaque troupe connut aussitôt le lieu où elle devait se désaltérer. Nous dîmes aux enfants d'Israël, « Mangez et buvez des largesses d'Allah et ne commettez point des désordres sur la terre. » La sourate 12, en 10 pages, sur les 540 que compte le Coran, intitulée « Joseph, Youssouf » en arabe, est entièrement consacrée à l'histoire de ce fils de Jacob vendu par ses frères à des Égyptiens. Il deviendra le premier ministre du Pharaon, avant de faire revenir s'installer en Égypte son père Jacob, alias Israël, et ses frères. D'autres épisodes bibliques se retrouvent encore dans le Coran. Ainsi, dans la sourate 2, le combat de David contre Djalout, c'est-à-dire Goliath. Combat à l'issue duquel Allah donna à David le livre des psaumes. Pour comprendre la source de la condamnation de l'homosexualité dans l'islam, je ne vous cite qu'un des trois passages où les questions de Lot, autre personnage biblique important. Il habitait Sodome. Nous avons aussi envoyé à Lot vers les siens. Il leur dit, « Commettrez-vous des turpitudes qu'aucun peuple n'a jamais commises avant vous? Abuserez-vous des hommes au lieu de femmes pour assouvir vos appétits charnels? En vérité, vous êtes un peuple livré aux excès. » Et quelle fut la réponse du peuple de Lot? Ils se dirent les uns aux autres, « Chassez-le de votre ville. Ce sont des gens qui se piquent d'être purs. » Nous sauvâmes Lot et sa famille, excepté sa femme, qui demeura en arrière. Nous fîmes pleuvoir sur eux une pluie. Regarde, quelle a été la fin des coupables.